Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le grand roi, le Seigneur? Il est digne de nos acclamations et de nos louanges. C'est lui le Seigneur de la vie. Jésus, nous bénissons ton nom. Et célébrons ton autorité au sein de ton temple et parmi nous. Ton esprit est là. Il nous remplit, qu'il nous guide, qu'il nous enseigne au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Est-ce que tu peux saluer ton frère et ta soeur à côté de toi? Prends le soin de saluer. Si tu faut te déplacer, fais-le. Kame na pasha tena, upate kutembea kidogo, tembea. Demande les nouvelles. Inakuwa tena, habari njema. Demande comment va ton frère, comment uliza va ta soeur. Namna gani anaendelea au dada yako, nduku yako. J'aime beaucoup cet exercice. Napendaka hii tendo. Parce que, à la vérité, tu as Dieu au-dedans de toi, tu as Jésus au-dedans de toi. Mais attention, si ton frère n'est pas là, Jésus ne sera pas au milieu. Il a dit là ou deux, ou trois. Si tu es seul, comment on sera? Tu n'as pas de milieu quand tu es seul. Or, il y a des choses que Jésus ne fait que quand il est au milieu. C'est ça qui fait que le frère et la sœur à côté de toi doivent jouir de ton amour et de ton respect. Parce que c'est lui qui fait que Jésus trouve la possibilité d'être au milieu. Est-ce que tu peux acclamer pour ton frère? Et tu n'as pas chanter quand Dieu n'a pas pu venir. Amen. Amen. Merci au couple pastoral. Accente quoi Dieu si a pastoré. De nous refaire encore confiance. Quoi que tu fasses, y'a tes natumaini. Ils auraient pu dire bon, c'était bien hier, mais aujourd'hui. Alibasha kusema ilikuwa kema jana lakini leo. Nous allons continuer nous-mêmes. Tutaendelesha sisi wenyewe. Et tout ce qu'on fait, prend le véhicule, rentre à Lubumbashi. Na yote ya kufanya tu ni kubeba gari na kurudia Lubumbashi. Mais ils nous ont renouvelé la confiance. Merci pasteur. Lakini walitupatia tena tumaini. Asante baba, asante mama. Est-ce qu'on peut célébrer ce jour? Et tunaweza shangilia hawa watu. Pendant qu'ils sont encore avec nous. Wakati wanakuwa nasi kwenye ulimwengu. Amen. Amen. Merci à vous tous. Asante kwa nyinyi zote. Nous reprenons Juges chapitre 6 verset 14. Tunabeba wamzi suita verset 14. Amen. Amen. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va, nenda, et basina, va avec la force que enda tu as et yenye unanayo, délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alors ce soir, je voudrais qu'on aille sur la deuxième vérité que nous avons vue hier. Et nous restons au premier niveau de cette vérité qui nous dit que la postérité, c'est une opportunité divine de corriger les erreurs des pères. Amen. Amen. Nous avons deux textes, psaume chapitre 33, 11 et psaume 127, 4 à 5. Psaume 33, verset 11. La Bible dit, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Amen. Amen. Psaume 127. Zaburi 127. De 4 à 5. Toka vesia inempaka tano. Nous allons lire cela. Tutasoma ile. Et la Bible nous dit. La Bible inatuambia. Comme des flèches dans la main d'un guerrier. Kama mishale mikononi mwa msuja. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Na vile inakuwa wana wa kizazi. Non. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Ni vile inakuwa wana wa ujana. Wakupata wakupokea kuujana. Ce qui en récit pendant qu'ils sont jeunes. Ça veut dire les fils que l'on reçoit. Watoto wenye tunapokea wakati tunakuwa jeune. Wajana. Et la Bible dit, vile Bible nasema, heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Wakati, na madui langoni. Amen. Amen. Ici, je voudrais que nous comprenions premièrement que pour que tu affrontes ta destinée victorieusement, ça veut dire que tu entres dans ta destinée en position de victoire, il faut que tu comprennes une loi très importante. C'est la loi que j'appelle la solidarité des générations. Nguvu ya bizazi. Pas nguvu, solidarité. Upatano wa vizazi. Je vais expliquer. Na tafasiria. Là, il va bien trouver les mots parce que le Swahili est quand même assez pauvre. Kwa maana Swahili na kuwa tena maskini zaidi. Aux autres langues. Kufatana maluga ingine. Notamment le Swahili de chez nous ici. Lakini Swahili ya kukwetu. Au Katanga, c'est un Swahili qui mélange tout. Ni Swahili yenye na changa yote. Alors, c'est quoi la loi de la solidarité des générations? Ni nini sheria ya mshikano ya vizazi? Dans la vision de Dieu, onyo ya Mungu, ou dans le plan de Dieu, au mumi pango ya Mungu, il donne sa vision analeta onyo yake au Père, kuwazazi. Amen. Amen. Et il donne l'avenir na de la vision tena ujio ya ile au Fils, kuwatoto. On y va doucement. Dès que je finis, je vais te laisser le temps. Amen. Ok. Ça veut dire ceci. Le fils n'a pas de vision par lui-même. D'après le plan de Dieu. Quand Dieu commence, il démarre avec un père. À qui il montre sa manière de voir et de faire les choses. Amen. Amen. C'est pour ça que Jésus dit à un moment, le Fils ne fait rien de lui-même. Donc quand tu es en position de fils, tu n'as pas qualité de faire les choses par toi-même. Tu n'es pas qualifié à initier des choses par toi-même. Mais tu as la charge de récupérer et le modèle du Père. Et Jésus ajoute, le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Kwa Baba. Amen. Amen. Maintenant, puisque Dieu travaille avec les êtres humains, lakini vile Mungu anatumika na watu walio hai, dont l'espérance de vie est limitée, ile kituma ini ya kuishi na kuwa na mipaka, nous ne sommes pas éternels sur la terre. Hatuna wa milele kwenye ulimwengu. Il donne la vision au Analeta Père. Onyo kwa Baba. Et il donne l'avenir au fils. Parce qu'à un certain moment, le fils doit entrer en danse après le départ du père. Amen. La vision, elle couvre toutes les générations. Elle couvre tout le temps. Comme Jésus lui-même dit, allez, et je suis avec vous jusqu'à la fin. C'est que la vision de Dieu couvre du début à la fin, mais elle a des séquences qui partent de père en fils. On est ensemble. Ça veut dire que un père qui combat son fils compromet l'avenir de la vision. Et un fils qui combat un père se rend aveugle parce que lui ne voit pas, il doit faire ce qu'il doit voir. Faire au père. Amen. Amina. C'est ça qui fait cette solidarité des générations. Ou quand le père commence à travailler, il a déjà engagé le fils qui n'a pas encore commencé à travailler. Amen. Et le fils, quand il va commencer à travailler, il va engager le père même s'il ne travaille plus. Cette solidarité-là, elle se manifeste bien dans ce qu'on appelle la course de relais. Voilà, c'est une course où on vous donne ce qu'on appelle un témoin. Et on vous aligne sur un terrain. Le premier à courir doit transmettre le témoin au deuxième. Retenez bien cette course, on en aura besoin dans la suite. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans cette course? Ceux qui n'ont pas encore commencé à courir, sont déjà engagés par la vitesse et la lenteur de celui qui court. Ça veut dire, si le premier à courir a été rapide, avant que toi tu ne cours, tu as déjà la rapidité. Si le premier à courir a été lent, même si toi tu es rapide, tu es déjà héritier d'une lenteur. On se comprend. Et c'est ça qui explique les vitesses et les lenteurs dans plusieurs destinées. Il y a des gens qui n'ont pas voulu être lents, mais qui se retrouvent ralentis parce que les pères qui avaient couru avaient été lents. Et les pères sont les créateurs du premier cadre de vie de leur fils. Je vous donne un exemple normal, expérimental. Vous prenez deux enfants de deux familles différentes étudiant dans une même école. L'enfant A est d'une famille où les pères ont bien couru. Il est bien installé. Chambre personnelle. Ordinateur. Avec électricité en permanence. L'enfant B. est issu d'une famille qu'on appelle défavorisée. En réalité, c'est une famille où les pères Baba n'ont pas créé un cadre qu'il fallait. Ils ont connu un ralentissement. Amen. Amen. La chaise de l'enfant B a des problèmes. C'est une chaise en bois. La chaise de l'enfant A, c'est une chaise de bureau avec des roulettes. Lorsque l'enfant B se met sur sa chaise en bois, qui est de mauvaise qualité, il peut la casser. Et pour étudier, il doit se transformer en menuisier et puis redevenir étudiant. Le temps qu'il cherche les clous et qu'il se débrouille, l'enfant A roule sur un beau fauteuil de bureau et il avance. Entre les deux là, qui ira plus vite? Clairement, l'enfant A. Parce qu'on l'a placé dans des conditions qui lui permettent de se concentrer sur le but et de l'atteindre. L'enfant B va, c'est vrai, apprendre un peu de menuiserie sur le tas, mais il perdra beaucoup de temps et il risque de transmettre les mêmes lenteurs à ses enfants. On est ensemble. Je voudrais bien qu'on lise Proverbes 13:22. Je suis en train de jeter les bases, mais dans le sens de nous défier à exploiter nos potentiels. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Proverbes 13:22? Lisons. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. On nous présente ici deux types de personnes. Le pécheur et l'homme de bien. Je voudrais qu'on rentre dans la notion fondamentale du pécheur selon la Bible. Ne vous arrêtez pas à la seule notion du pécheur, celui qui viole les lois morales que vous connaissez. Ça veut dire celui que vous voyez étant impudique, étant ivrogne, étant ceci, tout ce qui est moral là, il est en train de le violer. Mais attention, le péché dans la Bible, au départ, il signifie manquer le but. Je vous donne un exemple. Quel est le joueur qui est en vogue ces derniers jours? Donnez-moi le nom d'un joueur. Je m'en fous, t'as qu'un match, mon pote. Je vais vous regarder le match. Bon, Yamal. Yamal. Un bon dribbleur, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez-vous. Yamal dribble. Yamal anakaya. Toute la défense. Et même le gardien. Et puis il dribble même le but. Le ballon va dehors. N'est-ce pas que c'est un bon dribbleur? Mais il a raté le but. Bibliquement parlant, il a réussi à dribbler, mais il a péché parce qu'il n'a pas marqué le but. Ça veut dire dans la vie, tu peux parvenir à faire certaines choses et à les réussir, mais si tu n'atteins pas le but, tu as péché. Nous commençons à nous entendre. Maintenant, celui qu'on appelle homme de bien, on nous présente deux générations qui sont ses héritiers. On dit il a pour héritier les enfants de ses enfants. Ça veut dire pour que tu sois identifié comme un homme, une femme de bien, ce que tu fais doit impacter ta génération. Ça doit durer à la génération de tes enfants, et les enfants de tes enfants doivent en bénéficier comme un capital qui va les amener plus haut. Maintenant, regardons-nous bien. Nous prions. N'est-ce pas? Nous jeûnons. Nous lisons la Bible. C'est fantastique. Mais une question. Si on prend ta tête et ta manière de réfléchir, on donne ça à quelqu'un, qu'est-ce qu'il va produire? Celui qu'on appelle homme de bien, c'est quelqu'un dont la vision et la provision traversent les générations. C'est sa manière de voir et ses avoirs sont durables et transmissibles à plusieurs générations après lui. L'homme de bien, c'est celui qui ressemble au Dieu bon. Ce mot-là bien, c'est le mot qu'on utilise dans la Genèse pour dire ce que Dieu avait fait était bon. Bon, ça veut dire quoi? Utile aux autres et dont l'utilité demeure après plusieurs générations. Je sais là où je nous amène. Et ça va trop nous défier ce soir. Hein. Prenez Ecclésiaste chapitre 9, verset 18. Mubebe mubiri sura 9, verset 18. Ecclésiaste 3, 14. On commence par Ecclésiaste 3, 14. Qu'est-ce que la Bible dit dans Ecclésiaste 3, 14? J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Ça veut dire, si tu veux prétendre que tu réussis, quelle est la durée de ce que tu fais? Ce que tu as déjà fait va durer combien de temps? Ça va être utilisé par combien de générations? Ce qui fait que Dieu est différent de tous, quand il fait une chose, toutes les générations vont bénéficier de cette chose-là. Et c'est ça qui fait que Dieu est à craindre. Et l'Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et Dieu agit ainsi afin qu'on le crée, pour qu'on te respecte. Quand tu as fini de faire, est-ce qu'il y a encore à faire ou il faut encore qu'on refasse? que tout le respect qu'on va te donner. Heshima yote wanaweza kupatia. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Vile nilikuuliza. Si on prend ta tête, wakibeba kichwa yako, on la donne à quelqu'un d'autre. Wanekabula mutu mwingine. Il va vivre combien de temps sur la terre? Wakati ngapi ataishi kwenye dunia? Avec ta manière de penser. Pamoja na hali yako kufikiri. Et qu'est-ce qu'il aura produit sur la terre? Atakuwa nao kama mazao. Avec ta manière de voir les choses. Pamoja na hali yako ya kuangalia. Vous comprenez qu'il nous faut avoir ce kuwa, que la Bible appelle na enye Bible naita, la pensée de Christ. Wazo ya Christo. Amen. Amen. En fait, la pensée de Christ, wazo ya Christo, ce sont les mentalités de Dieu. Inakuwa ni matabia ya Mungu. La, voilà, ça j'ai mentionné. Iyo matabia naipenda, ya Mungu. Ça veut dire Nikusema, la manière d'être ya kuwa, et de faire na ya kutenda, de Dieu. Ya Mungu. Amen. Amen. Dieu c'est le père d'Adam. Mungu ni baba yake Adamu. Suivez-moi bien. Munifuate mzuri. Et un père na baba a la charge anakuwa na mzigo de créer le premier cadre de vie ya kuumba fazi ya kuanza maisha ya mtoto yake. Et vous allez voir la manière de faire de Dieu. Na mtaona hali ya kutenda ya Mungu. Il commence par anaanza kwanza produire kwa kuonesha mazao. Kufanya bintu. De produire les choses. Créer. Kuumba. On appelle ça économiquement produire. Kufanya bintu. Ok. Sinivile. Après que Dieu ait produit. Na kisha Mungu kufanya vitu. Il a commencé. Aka anja. A faire produire les choses qu'il a produit. Kufanya vitu vya nyalifa. Ça s'appelle investir. Ina itwa akiba. Je vous donne un exemple. Il fait les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Là, Dieu a produit une chose qui s'appelle la terre. Et la Bible dit il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu faisait quoi? Il se mouvait au-dessus des eaux. C'est que ce qu'on appelait terre, c'était une masse d'eau. On est ensemble. Et tu te pas. Vous allez voir que Mutaona, Dieu a produit Mungu alifanya quelque chose. Kitu fulani, mais à un certain moment, lakini fulani, Dieu ne parle plus, Mungu plus pour produire. Kwa ya kufanya kitu. Il demande aux choses qu'il crée de produire. Anaomba kubitu byenye aliumba bipate kufanya vitu. Lisons Genèse 1:9. Tusome Mwanzo sura ya kwanza vesi ya 9. On peut nous donner Genèse 1:9. Ne vous inquiétez pas, on tend vers la fin de la première étape, on va arriver à la deuxième. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Genèse 1:9? Dieu Mungu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Ça veut dire le sec existait dans l'eau. Amen. Amen. Donc le Dieu qui a produit l'eau a fait produire à l'eau le sec en demandant rassemblez-vous en un seul lieu. Ça veut dire votre mouvement va faire apparaître quelque chose. Moi je vous ai produit. Si vous bougez, vous allez aussi produire quelque chose. Ne reste pas sans rien faire. Apprends à bouger pour que certaines choses apparaissent. Amen. Amen. Et Dieu n'a jamais dit na Mungu asiyasema kamwe que les arbres viennent. Miti kuweko. La Bible dit Bible nasema, Dieu dit Mungu kasema, que la terre basi udongo produise. Itowe matu. Ça veut dire Dieu produit la terre kasema, Mungu anafanya et udongo, demande à la terre anaomba kudongo, de produire. Ce schéma-là, c'est ça qui nous présente le bon Dieu. Et si tu veux être un homme de bien, fais comme le bon Dieu. Dieu n'a jamais dit que les poissons soient. Il a dit que les eaux produisent les poissons. Donc j'ai créé l'eau. L'eau doit me donner quelque chose. Si tout ce que tu fais ne te donne pas plus que ce que tu as fait, tu n'es pas un homme de bien. On est ensemble. Donc Dieu produit. Dieu fait produire ses produits. Ce n'est qu'après qu'il s'est reproduit. Amen. Non, hein? C'est ça. Mungu akuzala. Tu n'avais pas produit. Mbele ya kuweka bintu biaula tazala. Avant de produire ce que tu devais produire. Adam est entré dans un monde où Dieu a produit, où il a demandé à ses produits de produire. C'est alors qu'il s'est reproduit et il a installé l'homme dans un monde d'investissement. Tu vis dans quel monde, toi? Dans le monde des consommateurs ou des investisseurs? C'est par là que nous sommes en train de se tuer. Comment savez-vous que je dois me marier? Tu as déjà produit quoi? Est-ce que ce que tu as produit a commencé à produire pour que tu te reproduises? Léo, comme on a kufwa, on a chanani na urimwachia nini? Aujourd'hui, une fatimère, tu as laissé qui et qu'est-ce que tu l'as laissé? Bonhomme de souffrance qu'ils ont, ni balé bari kufo bari bazalaka bari acha banani na bari bachiaka. Ils ont laissé qui et qu'est-ce qu'ils ont leur laissé? Alors, explique-moi. Si au travers ses ancêtres, abakuachaka banani, ils n'ont laissé rien. Et puis binaku ya tefa. Et ça nous est arrivé jusqu'à toi. Ils t'ont laissé toi tu es qui? Et qu'est-ce qu'ils t'ont laissé? Ça veut dire les premières réalités de notre destinée, nous ne les créons pas, nous les trouvons. C'est des choses qui commencent avant toi et tu dois apprendre à les affronter. Fortifie-toi, affronte ta destinée. Amen. Ah, oui. Commence maintenant à me comprendre. Maintenant, je vais te montrer que il y a des gens kuna watu parfois organisés dans le sacerdoce, mais pécheurs dans la destinée. Lakini watenda zambi mujio yao. Deux Rois chapitre 4 verset 1. Wafalme wa pili sura ine vesi ya kwanza. Je peux tout à dégager prière à quoi c'est par là nous allons dégager notre première prière. Vous n'avez pas tiré le texte. Donnez-moi ce texte. Une femme Mukemoja d'entre Kati les femmes des fils de Yawake wa prophète wa nabi cria à Akalalamika Élisée Elisha en disant Mukusema, ton serviteur mon mari Mutumishi wako me wangu est mort. Amefariki. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Cette crainte-là, c'est au niveau du ministère de la prophétie. Il craignait Dieu, il n'avait pas de problème de ce côté-là. Mais quand on le prend dans la solidarité des générations, monsieur le prophète est un pécheur. Il n'a pas atteint le but. Et la femme continue. Or, le créancier est venu prendre mes deux enfants afin d'en faire ses esclaves. Donc ce prophète-là qui craignait Dieu en matière de prophétie mais qui était pécheur dans la solidarité des générations a créé des esclaves après sa mort. Il est mort endetté. Mais il craignait Dieu. Pasteur, j'ai comme l'impression que Pastor, il a dû mourir d'hypertension d'estomac. Ndeni iripita. La dette a tellement surpassé. Vous savez, la dette peut tuer. Laissez-moi vous expliquer seulement en swahili. Par là, nous allons bien se comprendre. Chez nous, à Lubumbashi, un bien serviteur il était tellement endetté, Il était en train de créditer par-ci, par-là. Alors, un bonjour, le créancier est venu. Alors, sa parcelle était tellement lente. Ma congélateur. A commencé à bien arranger ses congélateurs. Réparateur, moi, il y avait un réparateur qui avait appelé. Alors, juste quand il l'a aperçu, il a pris la fuite. Et dire au réparateur, congélateur, j'entre dans ce congélateur. Si cette personne arrive ici, tu vas lui dire que je ne suis pas là. Or, cet homme-là aussi, c'est un visionnaire. Il lui avait déjà perçu depuis longtemps. L'entrée, il n'a rien dit que je lui avais vu. Bonjour à tous. Il a demandé où est papa? Réparateur, il vient juste de se déplacer. Problème. Ça va sans problème. Ta mouchunga. Voilà. Voyez, le congélateur commence à devenir. Il est là-dedans. Et comme l'endani. Cette chose-là. L'air n'entre pas dedans quand on ferme. Le car commence à chauffer là-dedans. Il a senti au moins la mort toquée. Il devait mourir. Alors, il a tellement énervé. Vous voyez un peu ce genre de choses. On a mamboussana ilé. Bien aimé. Wapendo. Le prophète. Ou le nabi. Était un très mauvais parent. Ce n'était pas un homme de bien dans la solidarité de la génération. Il faut faire attention à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les enfants de ce prophète-là peuvent être heureux d'aller servir Dieu quand le créancier vient et il leur dit, Twende, allons tous. Aujourd'hui, l'échec d'un homme de Dieu qui a des enfants en matière de gestion peut entamer le courage de ses enfants d'aller servir Dieu. Il risque de se dire c'est dangereux de servir Dieu. Regardez papa Naïcha. Le problème aussi c'est lequel? Ils étaient fils de qui? De Élisée. Mais ils n'ont pas reproduit le modèle d'Élisée. Souvenez-vous de ce qu'on a vu hier. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Ça veut dire tu ne peux pas expliquer dans ta vie que toute ta destinée échoue à cause de ce que tes pères ont fait. Il y a un moment où ça s'arrête avec ton père et ça commence entre toi et le Tout-Puissant. Cet homme-là, son père, c'était Élisée. Élisée n'est pas un prophète improductif. Lorsque Élie l'appelle, il lui lance le manteau. Élisée avait 24 tracteurs. 24 tracteurs. 12 paires de bœufs. Les bœufs pour les utiliser comme les tracteurs de la boue. Élisée était un entrepreneur, mais qui était dans la prophétie. Et avant de suivre Élie, il a même donné aux gens de la viande à manger. Élisée n'a pas demandé des appels de fonds pour commencer le ministère. Il a donné aux gens à manger avant d'aller dans le ministère. Que ça change un peu. Nous n'avons pas besoin des gens, des commandeurs tout le temps qui veulent qu'on leur donne. Non. Nous avons besoin des gens capables de commencer en investissant. On a besoin d'Élisée. Amen. Vous voyez le modèle d'Élisée? C'est ça qui a fait que même quand Naaman est venu, Élisée a regardé Naaman. Il dit, n'a même pas besoin de me voir. Naaman est venu en tant que général. Mais Élisée le regardait en tant que supérieur spirituel. Il dit, il a besoin d'une solution. Il n'est pas venu me chercher moi. La solution, je la lui donne par une formule. Je ne lui donne pas ma présence. Écoutez. Rarifiez votre présence, ça va vous respecter. Ne soyez pas tout le temps contact avec des gens qui ont pour demander. Non, non, non, non, non. Rarifiez votre présence. Vous êtes des supérieurs spirituels. Ne tremblez pas des gens devant les gens qui n'ont que l'argent. Oh, j'aime un homme comme Jésus. Entre Jésus et Salomon, qui a beaucoup plus d'argent? Salomon, n'est-ce pas? Mais quand Jésus se regarde, il dit, ici, il y a plus que Salomon. Je peux ne pas avoir l'argent, mais je suis plus que celui qui l'a à partir de ma position spirituelle. Pourquoi Dieu n'a pas pleuré Pharaon? On devait lui donner de l'argent par Pharaon. La première fois qu'il a vu l'or, il a fabriqué le veau. Ce n'est pas pour rien que Dieu a amené Moïse à grandir dans la maison de Pharaon. Angaria, apprends à travailler. Ouzobele est déjà le vitou. Ouzobele, bisoukou tete méchate. Que ça te fait trembler. Que ça se fait pas trembler. Apprends quoi tellement paresseux. Que tu deviens pauvre. Une fois te faire entrer au ciel, tu commences à demander à Dieu. On ne peut pas fabriquer de l'or ici. Parce que la Bible dit dans la nouvelle Jérusalem, le pavement est en or. Si tu entres, au lieu d'adorer Dieu, tu commences à regarder. Nouvelle Jérusalem mining. Nouvelle Jérusalem mining. Parce que tu n'as pas vu l'or tu sur la terre. Ou tu vois les appâts. Il faut s'habituer. Oh, il faut le vivre ici. Marche à l'air là-bas. Apprends à travailler. Dieu est esprit. Mais il a travaillé. Il a produit. Si tu es esprit, il ressemble à Dieu. Apprends à travailler. Et que les générations à venir trouvent ton travail. Je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions. Par où est-ce que je vais commencer? Par où? David est mort à quel âge? À 70 ans. À 70 ans. N'est-ce pas? David avait fait une prière dans sa vie. Il a dit à Dieu, du bout de la terre, je crie vers toi. Conduis-moi sur un rocher que je ne peux atteindre moi-même. Il y a des choses. Tu ne peux y arriver. Mais tout ce qui te reste à faire, c'est de dire à Dieu, amène-moi sur des stabilités que je ne peux atteindre moi-même. Cet homme-là, qui est mort à 70 ans, à 17 ans à peu près, Il avait la tête de Goliath. Amen. Avant de mourir, kabla kufariki, il a laissé pour Salomon et pour le temple de Dieu ya Mungu, des milliards. Il C'est cette prière qui l'avait aidé. Ceux qui disent que la prière ne peut pas t'enrichir, c'est le travail qui enrichit. Je ne suis pas contre vous, mais je sais que la prière peut être le commencement d'un enrichissement. Bandoukou. Tout le monde que vous voyez là, ce n'est pas dit qu'il n'aime pas travailler. Il y a d'autres problèmes spirituels. Tu travailles et tu n'as rien. Alors va demander à Pierre. Ils ont travaillé toute la nuit et ils n'ont rien eu. Il faudrait la parole. Oh, j'aimerais que Jésus parle sur quelqu'un ce soir. Il est cagile. Je travaille. Il est prédit. Il est le gens ne pensent pas. Jésus a regardé bien. Il a dit, donne-moi d'abord ta barque. Jésus prend la barque de Pierre. Il prêche dedans. Il prêche dedans. Il finit. Il regarde Pierre. Ne t'accourir pas chômage. Je vais te payer le chômage. N'est-ce pas, j'ai utilisé ta barque. Je n'utilise pas une personne. Pas pour s'enlever. Même si le la barque, je sais là, c'est pas un moment de faire le péché. Mais moi, je vais te faire pécher. Jésus est capable. Il est sapant tout bon. Pendant que tout le monde n'a rien eu, lui, il peut te donner. Dieu de gloire. Maintenant, tu vas prier Dieu pour lui, Seigneur. Amène-moi sur un rocher que je ne peux atteindre. Prions dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Tu ne sais pas comment tu peux y arriver. Mais il peut te faire arriver. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Il peut te dire ce que tu peux faire. Tu ne sais pas où. Il peut te montrer où. Tu ne sais pas quoi. Il peut te révéler quoi. Tu ne sais pas avec qui. Il peut amener avec qui. Dieu de gloire. Baba. Dieu de gloire. Baba. Dieu de gloire. Baba. Père. Amène-nous sur un rocher. Amène-nous sur la stabilité que nous ne pouvons atteindre nous-mêmes. Aïe, aïe. Amène-nous sur ce rocher. Nous regardons à toi ce soir. Nous regardons à tes promesses ce soir. Nous regardons à tes compassions ce soir. Nous regardons à ta mère. Selon qu'il est écrit. Comme une servante. À ses yeux fixés. Sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux sont fixés sur toi. Dieu de nos prières. Nous avons besoin de ta grâce. Tu n'as l'azimisha. Amène-nous. Amène-nous. Vers un rocher. Que nous ne pouvons atteindre. Que la douée Amen. Amène-nous, Jésus. Une autre dimension. Amène-nous. Sur un rocher. Sur une stabilité. Une stabilité qui dure. Nous ne savons pas y arriver nous-mêmes. Pouvons-nous regarder si ce n'est auprès de toi? À qui irions-nous d'autre? C'est toi qui as les paroles de la vie. Les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. Oh. acquérions-nous, Seigneur. Oh Jésus. Yes. Étends ta main sur chacun de nous. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu vas te rasseoir et on passe à la deuxième étape. Amen. Amen. C'est possible. Hein? Toute pauvreté ne vient pas par la paresse. Il y a des pauvretés qui viennent parce que spirituellement, il y a quelque chose qui s'est fait. Et ça exige qu'une chose spirituelle se fasse. Réduire la richesse rien qu'au travail. Ce n'est pas une bonne vision des choses. Si ce n'est que le travail, tous ceux qui travaillent devraient être riches. Pourquoi tous ceux qui travaillent ne sont pas riches? Parce qu'il y a des choses spirituelles à associer au travail pour que la richesse soit garantie. Amen. Donc ne négligez pas d'invoquer Dieu. Et pas chez Bantu. Faut pas que le genre. Il a trouvé quelque chose. Et il commence au moins à négliger la prière. Non. Prier sans. Amen. Amen. Maintenant, la deuxième chose que nous allons voir. Nous allons voir l'effondrement de l'humanité par l'erreur d'Adam. L'erreur d'Adam qui a effondré, qui a renversé tout ce qu'il y avait comme opportunité de réussite pour plusieurs. Fazili ya kufa Ecclésiaste chapitre 9 verset 18. Sura ya 9 verset 18. Est-ce qu'on peut lire ça? Et tu tunaweza kusoma ile? Ecclésiaste Mubiri chapitre 9. Sura ya 9 verset 18. Verset yake ya 18. La Bible dit? Biblia inasema la sagesse et qui m'a vaut mieux que les instruments de guerre. Mais un seul pécheur, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit beaucoup de biens. Combien de pécheurs? Un seul. Mais détruit beaucoup. Et nous avons vu par rapport à Proverbe 13 qui est le pécheur. C'est l'homme dont la vision et la provision n'atteignent pas la troisième génération. Amen. Amen. Je vous ai présenté comment Dieu a produit. Et il a fait produire ce qu'il a produit. Et tout ça, il l'a mis en faveur d'Adam. Il a placé Adam dans des conditions idéales de production et d'investissement. Et il a voulu lui mettre dans la terre la culture Ali d'investir. Il a dit qu'il lui a donné le jardin. Il cultive-le et garde-le. Il a dit qu'il a donné aux hommes les plantes avec leurs semences. Ici, comprenons qu'il y a deux sortes de personnes. La Bible dit, il donne la semence aux semeurs. Et le pain à qui? À celui qui mange. C'est qu'il y a des gens qui sont mangeurs. Et il y a des gens qui sont semeurs. Mais pour que le mangeur mange, il faut que le semeur sème. Ça veut dire, si tu es de la catégorie de ceux qui mangent, tu es dépendant de ceux qui sèment. Amen. Amen. Il ne faudrait pas que ce qu'on a fait pour toi, que toi tu sois incapable de le faire pour les autres. Tu es un pécheur. Tu n'es pas un homme de bien. Amen. Amen. Et si je vais nous expliquer, beaucoup de choses que nous vivons, beaucoup de réalités que nous traînons avec nous, qui ont commencé avant que nous ne puissions naître. Amen. Amina. Pasteur, pastori, nous confondons souvent être nouvelle créature avec la destinée. Ta destinée commence avant que tu ne sois nouvelle créature. Amen. Amen. Tu me comprends bien? On a élevé. Si tu as vécu pendant 21 ans sur la terre et tu crois en Christ, à 21 ans comme moi j'ai cru quand j'avais 21 ans. C'est à partir de 21 ans que je suis devenu nouvelle créature. Mais les réalités liées à ma destinée, je les traînais depuis 21 ans. À l'instant où tu deviens nouvelle créature, ce n'est pas la fin de toutes les réalités liées à ta destinée. C'est la possibilité pour toi d'introduire des nouvelles réalités liées aux promesses de Dieu à une destinée qui a commencé depuis 21 ans. Pour nous comprendre bien. Est-ce que vous me comprenez? On voit tout échiquier bien. Veuillez me comprendre. Je donne cet exemple partout où je passe. Pour que vous compreniez bien ce que ça signifie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donnez un peu ce texte-là. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Nous allons le lire ensemble. Amen. Parce que plusieurs personnes veulent fuir leur destinée par le fait qu'ils veulent prétendre que c'est des nouvelles créatures. La nouvelle créature que tu es doit affronter toutes les réalités de ta destinée qui ont commencé même avant que tu ne sois une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et est-ce qu'on a dit les choses nouvelles sont venues? Qu'est-ce qu'on dit? Voici, toutes choses sont devenues. Donc ici on est dans la vision des choses, pas dans l'arrivée des choses. veut dire quand j'étais une ancienne créature, j'avais une ancienne manière de regarder aux choses. Quand je deviens nouvelle créature, j'ai une nouvelle manière de regarder aux choses et les mêmes choses là que je regardais anciennement, je commence à les regarder nouvellement. Elles n'ont plus la même signification qu'elles avaient avant que je ne sois nouvelle créature. Est-ce qu'on se comprend? Je donne un exemple. Votre parent meurt. Vous étiez locataire. Il n'avait pas payé le loyer ce mois de la mort. Et le pasteur Désiré vient avec maman Elvire Banakoua Kukiriyo. Ils ont prêché, ils ont exhorté la famille. Votre papa, il priait avec nous à la source féconde. Pasteur Désiré a miobiri. Le pasteur vous a prêché. Mon ancien papa, vous avez dit non. Nous devrions au moins donner nos vies à Christ. N'est-ce pas, vous avez cru? Après, vous a donné 2 Corinthiens 5, verset 17. Vous avez enterré. Alors il y a une fin de deuil. Une semaine après, le bailleur est venu. Mon ami Biasema, vous lui avez dit les choses anciennes sont passées. Vous voyez, vous avez commencé. Est-ce qu'il n'a pita il est mort? Est-ce la dette est passée? Aïta pita, la dette ne passe pas. Ni moi et mon bâti, ma nouvelle créature. Il faut m'épiter, ça veut dire. En étant nouvelle créature, vous devez affronter les réalités du passé non encore liquidées. Ah, tu as compris? On a compris bien. Vous avez compris maintenant. Après, on tout kimbia. Faut pas prendre le but. Les choses anciennes. Il calme les biens. Ni ma chose ancienne cani. Quels sont ces gens des anciens qui sont passés? Ni maisha yako ya Zambie ya zamani. C'est ta vie de péché qui vient de passer. Vini urkwa nangaria ka Zambie. La façon dont il regardait Zamani, le péché, auparavant, c'était succulent. Mais quand tu es devenu une nouvelle créature, une fois regardant le péché, tu te dis, je vais faire ces choses. Ça s'est passé. Mais les réalités la de la vie, la dette doit rester. Mon tapita. Il faut faire passer cela. Même si les anges de l'autre nous l'avions frappé d'aveuglement, il vous verra toujours. Vous allez toujours payer. Ça fait partie de votre héritage. Ça fait partie de là où votre père a arrêté la course et il vous a transmis le bâton. Vous avez ce bâton-là en main. Maintenant, j'aimerais te donner une astuce que les coureurs là utilisent pour ne pas perdre le temps. Regardez-les bien. Quand c'est leur temps de courir, ils ne regardent jamais en arrière. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tendent la main seulement. Les tambés, j'ai des choses à faire rapidement. Ne passe pas ton temps à regretter chez vous. Ne passe pas ton temps à te plaindre de ce que tes parents. Tu es déjà là, toi, maintenant. Affronte ta destinée. Récupère toutes les hontes, tous les échecs, porte-les sur toi. Et dis, à partir de moi, vous allez voir que la course va changer. Amen. Papa désirait, j'aime cette course-là. Papa n'a peine d'aller kukimbia. Jamais le coach, kamwe coach, ne place le meilleur au début. Awekake mwenye nakuwa wa nguvu mwanzo. Kwa nini? Parce qu'il sait que maana anajua, si on le place au début, tukimweka kumwanzo, et qu'il tombe, na akianguke, tous ces faibles-là aba wazaifu wote ne vont jamais récupérer. Awatapatia. Si on le place à la fin, tukimweka kumwisho, et que les faibles perdent, na wazaifu wanapoteza, lui qui a de la vitesse, yeye mwenye anakuwa wa haraka, il va récupérer à la fin. Na ile mwisho tena. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus Christ à la fin des temps. Adam est tombé au commencement des temps. Et Jésus est venu. Pour que toi et moi, qu'on récupère le temps. J'aimerais vous parler de ce Jésus. Alors, dans ce moment, vous êtes en train d'insulter chez vous. Vous critiquez votre tribu. Mais vous ne savez pas ce qui s'est passé dans la tribu de Jésus. Jésus vient de quelle tribu? Jabayuda. Vous savez, vous connaissez l'homme de Jésus. Oh, le grand-père de Jésus. Dans la Bible, il y a que le Père. Dieu dit à Jacob, je suis le Dieu de ton père, Abraham. Est-ce Abraham le père de Jacob? Sociologie, anthropologie, c'est son grand-père. Mais spirituellement, quand il regarde, c'est son père. Judas, Judas, le père de Jésus. Chez vous, il y a des choses qui marchent. Mais le père de Jésus, selon le tribu, il avait au moins eu l'enfant avec la femme de son enfant. Est-ce chez vous, il y a des choses comme ça? Toi, quand tu parles de chez vous, tu récupères toutes les mauvaises choses là, tu mets chez vous. Regarde chez Jésus. Et il ne s'en sort pas pendant la nuit chez Jésus. On va te vendre pendant la journée. Qui est en train de rougir Joseph? Qui a vendu Joseph? N'est-ce pas, c'est Juda? C'était la nuit ou pendant la journée? Joseph est en train d'écouter Juda. On ne peut pas le laisser comme ça. Nous devions en tirer quelque chose. Vendons-le. Oh, c'est chez Jésus. Et ils vendent les choses pendant la journée. Chez vous, n'est-ce pas, vous vous tiraillez seulement. Ou non, hein? Je ne sais pas où je vous amène. Chico, un jour, Bartimée, l'homme de Bartimée, l'a appelé Jésus. Comment est-ce qu'il l'a appelé? Musseme. Parlez. Fils de qui? Mwana wanani? De David. Wataudi. David na musharati. David lui qui est. Il a fait tuer les gens au travers l'impudence. Regardez au moins la sainteté de Jésus. Allez lui appeler que le fils de David. Lui qui a pris la femme d'autrui. Il a fait tuer le mari de cette femme. Question de cacher la grossesse. Et l'homme de sainteté comme Jésus. Tu l'appelles Mwana wa Daudi. Arikatala arichika. Est-ce qu'il a refusé ou il a accepté? N'est-ce pas, c'est tenu debout. Il s'est arrêté, on lui a appelé le nom de l'ombre. Le nom de Jésus, fils de David. Non, c'est lui qui connaît chez nous. Il connaît que je suis le fils de David. Apprends à accepter. Ça a déjà eu lieu. Ça a déjà eu lieu. Ça s'est déjà passé, il n'y a pas de problème. Mais c'est que j'aime. Lakini quand Jésus arrive à l'Apocalypse, c'est en plein ciel. On l'appelle. Wanamuita. Voici Tazama, le lion Simba de la tribu Wakizazi, de Judas. Kusama. Tu peux être le lion de chez vous. Simba tu peux être le lion de votre famille. Jésus. Tu peux être le récupérateur de la réputation de chez vous. Même si on a fait ce qu'on a fait, mais à partir de toi, tu peux devenir lion. Et les gens peuvent dire, à partir de Yake, au travers lui, tout a changé langage. Nous avions changé de langage. Fidèle-toi debout, on veut prier. Non, c'est les autres que nous allons regarder demain. Quoi nous c'est vrai? Oui, c'est chez vous. Il y a eu tout ce qu'il y a eu. Kuya biote bile bibaya. Ça a déjà eu lieu. Bisha kuyako. Ataba na sema baba kwa kwa na bulo. Bisha que ton père était succès. Bon, alikuwa kanabo, mimi shira nabo tena. Oui, il est succès, moi je pense. Je suis lion de la tribu de Juda. Niko mtu akisema kwa yudo. Ataba na sema kambo yako. Même si il dit que ton père. Il est un petit qui sait pas problème. Ataba na kuchambua mama yako. Mais si c'est ta maman. Alikuwa na bulo shaku. Il était succès, il y a pas de problème. Mais ouais. Mais toi. Uko Simba. Tu es le lion. La kizazi na. Le lion de la tribu de Juda. Tu es capable aujourd'hui. De faire la différence. Affronte ta destinée. Va avec la force. Tu y as. Commence à prier et à dire. À partir yangu. À partir de moi. Les choses nouvelles vont commencer. À partir yangu. Déclare au travers moi. Jésus. De nouvelles choses commencent. À partir yangu. À partir de moi. Avec le Saint-Esprit. Yassa Sabinaja. Chaque paille à l'os. Yassa Sabinaja. De nouvelles choses commencent. Oh, Jésus avait des choses en tête. Mais Jésus les a enlevés dans la honte. Oh, à partir de moi. Kwanza pangu. Oh, papa. À partir de moi. Kwanza pangu. Oh, à partir de nous. Kwanzi ami. Ah. Tu m'as appelé. Linita, dans ces derniers temps, tu m'as appelé. Linita, dans ces derniers jours, tu m'as appelé. Linita, dans la famille où tu m'as placé, pour que je sois un signal de la bénédiction de Dieu, un changement de la destinée de plusieurs. Jésus, prie. À partir de toi. Yes. Jésus, fils de David. Fils de David. Tu écoutes la prière. Tu écoutes la prière. On reconnaît ce qu'il y a Mahomi. À partir Kwanza de nous, Chie, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Quand tu montes, batakuya kwako. Nous sommes venus à toi. Tous les hommes viendront à toi. Quand tu montes, batakuya kwako. Toi qui écoutes la prière, oui, on a chikia kamaombi. Ah. De la tribu de Juda. Là-bas, je t'aime. Tu ne changes pas, papa, tu ne changes pas. On va dire que Bouano comme Moya Moya. Affronte ta destinée. Obitikie tout pas kabile. Thank you. Donne la dernière intention de prière. Israël était déjà sorti de l'Égypte. Ils ont même traversé le désert. Ils arrivent devant Jéricho avec Josué. Et même devant le Jourdain. C'est ce jour-là que Dieu leur a dit. Aujourd'hui, je vais rouler de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Non, de l'Égypte. Ce qui peut arriver, que tu es déjà nouvelle créature. Mais Kungari bima aya bimo ya il y a encore d'autres hantes. Bishako kubamba. Tant vraiment tâche. Mwambie komungu. Tu dois dire adieu. Ou tu touches kobile bima aya. Enlève-nous ces jardins. Bile tu bishako tubamba bile. Ils s'attachent tellement à nous. Mais je ne sais pas si c'est quel genre de honte. Si on parle là, tu n'as pas à répondre. Demande à Dieu. Qui ait pitié de toi. Qui nous enlève dans ce genre de honte. Prions dans le nom de Jésus. Supplie Dieu. Prie. Supplie Dieu. Oya no lie. Oya no lie. Oya no lie. Oya no lie. Oya no lie. Oya no lie. Toi qui écoutes les prières. Oya no lie. Oya no lie. Oya no lie. Poti kalo pulele atana ye na bambele na beta kokoko. Otika lola polele atana ye bamba libele na beta kokoko. Makoni ekoma polele na sana droit ya koluka nzambe na pokwa to na tongo. Otika lola polele atana ye mama libele na beta kokoko. Makona etika ya polele na zwa na droit ya koluka nzambe na pokwa to na tongo. Oh! Bien-aimés, on nous a donné trois grands sujets de prière ce soir. Le premier, Dieu conduis-moi vers les rochers que je ne peux pas atteindre moi-même. Dieu sait conduire quelqu'un vers les sommets de certains rochers. Dans ta destinée. On nous a donné le deuxième sujet. Tu peux être le lion de la tribu de Juda. Le récupérateur des situations de ta vie. De votre famille. De votre tribu. Toi qui as écouté ce message. Tu peux faire quelque chose pour ta famille. Et on nous dit encore le troisième. Il y a des hontes que Dieu peut faire rouler sur ta vie. Les hontes que tu as transportées depuis des années. Des hontes que la famille a transportées. Dieu, c'est un bon père. Baba mwema kabisa. Et si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu veut faire un travail avec toi. Affronte ta destinée. Avec la force que tu as. C'est cela qui va libérer la force de Dieu. Pour ta destinée. Pendant une minute. Tu vas prier, tu prends tous les trois sujets, tu pries, tu remercies le Seigneur. À partir de ce soir. Il y a quelque chose qui doit se passer dans ma vie. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix, prie. Bien-aimé. Il est question de ta vie. Il est hors de question que tu penses. Il est question de ta vie. Il est hors de question que ça Il est question de ta tribu. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Aujourd'hui tu as bye. De ma famille, de ma vie, de ma vie. Il est hors des questions que tu passes sans me toucher. Il est hors des questions que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Que tu passes sans me toucher. Il est hors de question. Il est hors de question que ça finisse comme. Moi je n'ai jamais vu. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh bien-aimé, il y a des grâces que Dieu est en train de répandre en ces lieux. Une forte parole signifie un grand travail que Dieu est en train de faire. Parce que la parole de Dieu, c'est le travail. C'est depuis des résultats aussi. Si tu es connecté, ta vie ne sera plus la même. Et je déclare ce soir que ta vie, la vie de ta famille, la vie de tes enfants, la vie de ta tribu, la vie de ton travail, ça ne sera plus la même au nom de Jésus. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Oh, tu chagrines, voilà. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Offrandes rapidement et nous donnons le communiqué. Vende guaraka, chatulete, ma tangazo. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Venons un peu plus tôt. La pluie ce n'est jamais été une raison de ne pas venir à l'église. Alléluia. Amen. Il ne faut pas prier non. Mungu vous l'explique. Il ne faut pas faire ces prières là. Il faut se faire venir. Même s'il pleut, nous on vient. Quand on voulait, on applique. Si tu fiques. Quand on voulait, on explique. Il ne pleut pas. C'est la saison de pluie. Et quand il tombe, nous nous venons. Amen. Anguka tu si tu kuyo kanisa. La parole que nous sommes en train de suivre. Sauti ya Mungu tunasikia hapa. Il faut remercier le Seigneur. Tazali kumshukuru Mungu. Passons des choses qui doivent en principe changer nous. Et bien tu inapashwa kutubadilisha. Ne sois pas comme n'importe quel auditeur seulement dans un auditoire. Shibaki tu kama mtu yuko ndani ya makutano fulani. Non non. Saisis avec foi. Wewe ushike tu na imani yote. Et décide-toi de changer les choses. Na kamata mpango vitu vibadilike. Vous pouvez tous manger la même nourriture. Unaweza kula nyinyi wote chakula moja moja. Vous pouvez réagir différemment par rapport à la nourriture. Itatenda muhaina kuachana ndani ya kila mtu. Je prie. Basi naomba tu. Que le Saint-Esprit t'aide. Quand tu rentres à la maison, médite la parole. Le matin, prie. Le soir, prie. À midi, si tu as le temps, viens à l'église, prie. Et sois disposé à écouter la parole. Encore quelques jours et l'année se termine. Dieu veut rouler certaines choses sur ta vie. Pour que tu entres librement en 2026. Et que tu vives ta destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur en balançant la main? Pour tout ce qu'on a entendu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Oh, gloire au Seigneur. Père, nous te disons merci ce soir pour ce merveilleux moment. Tu nous dis dans Jean 6:63 que tes paroles sont esprit et vie. Merci Seigneur pour la vie que tu communiques à l'église, pour la vie que tu nous communiques à travers ta parole. Nous voulons maintenant que la vie entre en nous. Nous devenons une armée de l'Éternel pour réaliser de grandes choses. Je prie que cette église soit vraiment une armée de l'Éternel pour réaliser de grandes choses dans nos vies, dans ce monde et partout nous serons. Je bénis ton peuple, Seigneur. Je bénis ton serviteur qui nous a parlé. Que ta grâce nous accompagne. Nous prions ce soir au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.